accroche le moment. J'ai peur, c'est avec l'argent. J'ai peur de te perdre, m'a dit mon miroir. Je garde cauchemar dans le fond du tiroir. Je pense aux amis ennemis, t'y pars. Comme le goût de ma bite, je me fais rare. Ouais, on n'est pas comme eux. Ouais, on pisse sur le trône. Pas avec les sommes. J'aime une vie courte, le bras long. Nikos pense que j'ai le million. Va encore tirer sur ton pilon. Aussi lourde que le poids que portent mes paupières. J'ouvre la porte de l'audi ou de l'enfer. De l'eau vite, mère de l'âme, on se déshydra. J'ferai les frais de ce que le très haut décidera. Autour y'a les sommes, entre nous y'a le foie. Dans le four y'a des ray ray ray. Au-dessus y'a les songes, en dessous y'a le mât. Mais dans le four y'a des ray ray ray. Tout ça n'est que le fruit de l'envie qu'on se donne, donne. Si je ferme les yeux, quel est le frère qui me le donne, donne. Se mentir à soi ou être hypocrite envers Dieu. Pas très serein, dis-leur averti, en certes. Le soleil se lève dans les suicides, dessine le visage. La lune prend le relais, lance un dernier baiser dans le virage. J'rattrape l'horizon pressé, j'démarre en seconde. Infini chemin demain et du temps pour qu'on se trompe.